c'est la série Gino de Zola. C'est un film que je me sens important de diffuser, puisqu'il aborde une thématique un petit peu ce dont on vient de parler précédemment et qui ne sera évidemment pas abordé au Ocean Summit. La question de l'accaparement des terres, enfin les terres, de l'océan, pardon, sous des prétextes écologiques. C'est un film qui est très intéressant, qui a déjà quelques années, puisque je crois que ça a tourné en 2015 ou par là. Et il y a un certain nombre d'hypothèses, en fait, dans ce film, qui se sont vérifiées. Et voilà, je pense que ce film, il avait vraiment vu juste à l'époque. Et donc, voilà, ça me semblait important de le diffuser par rapport à cette question-là. Et du coup, je laisse la parole à Mathilde pour le présenter. 52 minutes, je crois. 56 minutes, et après, on va discuter. Déjà, un grand merci à vous de m'avoir invité et d'avoir invité finalement la bonne santé. Effectivement, c'est un film qui est sorti. Vous m'entendez ça? En général, on ne comprend pas. Donc, il est sorti effectivement en 2007. Il a été plusieurs fois autour du monde. Mais surtout, il a été aussi vu et visionné dans les grandes instances internationales, notamment l'ONU et aussi en France à l'Assemblée nationale. On m'a encouragé à continuer. Vous avez effectivement les questions qui restent complètement d'actualité. Pour faire juste le lien, après on discutera à la sortie du film, je pensais écouter sur les dernières phrases, dernières phrases, parce qu'elles sont assez prémonitoires. Et surtout pour rebondir sur des interventions précédentes, notamment sur la question du bien commun. Je voulais juste me reprendre effectivement mon travail de documentariste m'a amené à faire d'autres films après au sein 1, au sein 2, au sein 3. Et pour vraiment se retenir, la question de comment c'est ça, un espace commun, gérer une communauté. C'est pas uniquement un bien commun, c'est une gestion politique par les citoyens. C'est ça que j'avais perdu de vue, que ce soit en 2016 ou encore aujourd'hui, dans la question. La solution est. Oh, comment on ne change pas la deuxième bonne nouvelle, ça c'est la première chose importante. La deuxième bonne nouvelle, la première bonne nouvelle, c'est que ces espaces communs et cette gestion communautaire existent en France, notamment en Méditerranée, dans les colonies, depuis 5 siècles, et marchent très bien. La deuxième bonne nouvelle, si on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez. Même déjà avec ce film, on se retrouve à peu près au même niveau que les pays en développement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un arsenal juridique, un arsenal de connaissances et un arsenal politique, normalement, qui devrait encadrer tout ça. Mais il y a un glissement, effectivement, qui se fait. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que 2 plus 1, ça fait toujours 3. Et que je vous invite véritablement à quitter en fait, la réflexion binaire de on a ça, sinon on a. Mais véritablement de travailler à réfléchir de façon vraiment transversale. Parce que dans ces enjeux océaniques, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Voilà, bonne projection. Merci. Je vous laisse, si vous avez des questions, je pense que ça sera plus rapide. Alors, peut-être, on prend celui-là. Je peux. avant de distribuer la parole, je voulais juste dire qu'on avait invité Mathilde parce qu'il y a beaucoup de conditionnels, il y a beaucoup de si dans son film. Et je pense qu'elle avait vu juste en 2015-2016 parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont confirmées. Moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, à part l'histoire de la dette et des Seychelles qui existent vraiment à l'époque du film, il y a beaucoup de conditionnels. Et en fait, il y a un truc qui s'est ouvert avec la COP21, avec l'histoire de la neutralité carbone, c'est-à-dire ouvrir la possibilité à des entreprises, non pas de réduire leurs émissions, mais de les compenser avec d'autres mécanismes. Et il y a eu un accaparement, alors c'est assez vieux en fait, ça date depuis 20 ou 30 ans, l'histoire des forêts, un accaparement des forêts, mais tout ça s'est vachement accéléré ces dernières années, et notamment avec l'histoire de la neutralité carbone de 2015. Et assez récemment, on s'est rendu compte qu'en fait, plus que les forêts, les océans captaient encore plus de CO2, avec l'histoire du phytoplancton, et donc là, il y a réellement des économistes qui sont en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait créer des mécanismes financiers avec du phytoplancton. Donc pour l'heure, ils peuvent juste dire, ben voilà, le phytoplancton, c'est une masse d'éléments qui captent X milliards de tonnes de CO2. Si on faisait ça en termes d'économie, ça coûterait X millions de dollars, etc. Et ils sont en train de réfléchir à comment essayer de créer des mécanismes financiers. Et ces mécanismes financiers, ils n'existent pas vraiment parce que c'est compliqué, en fait. Comment est-ce qu'un acteur économique pourrait s'accaparer le phytoplancton? Et donc l'intermédiaire entre le phytoplancton et... je prends l'exemple du phytoplancton, mais en fait c'est les mangroves, c'est les baleines, c'est tout un tas d'exemples comme ça. Entre ces éléments naturels, ces services écosystémiques et les méchants en face, quoi, ça va être assez souvent les ONG, ça va être l'investissement dans des ONG de protection, soit des baleines, soit de réintroduction du phytoplancton, etc. Quoi. Donc voilà, je voulais dire ça parce que c'est des trucs qui étaient vraiment à l'état d'hypothèse en 2015-2016 et qui se confirment. Il y a des études du FMI, du Fonds monétaire international, sur la valeur d'une baleine et comment est-ce qu'on pourrait créer un marché, introduire la baleine dans le marché carbone, etc. Et tout ça est de moins en moins une hypothèse, quoi. Bon, je distribue la parole. Alors du coup, je rebondis parce que effectivement, c'est de moins en moins une hypothèse. En fait, la suite des Seychelles, c'est qu'en fait, il y a 300 000 km² qui ont été mis en zone de protection. Le problème, c'est qu'en fait, le contrat qui est passé, c'est pas une concession, enfin, une concession, mais qui a été faite avec un trust américain. Et donc, par définition, le trust, en fait, c'est totalement opaque comme système juridique. Donc, on ne connaît pas du tout la durée, ni l'exploitation qui va en être faite. En tout cas, ils ont, en 2017, réussi à mettre en place la première obligation bleue. Donc ça, c'est le premier produit financier qui s'est mis en place sur les océans, c'est les Seychelles, enfin les Seychelles. C'est l'ONG TNC via le trust qui s'appelle le D4 qui s'est mis en place. Et donc à partir du moment où effectivement on a une concession maritime qui n'est plus gérée par un gouvernement ni par les citoyens, et qui est passée sous un contrat sous forme de trust dont on ne connaît pas les termes, on peut appeler ça effectivement, c'est-à-dire vraiment la propriété maritime, c'est terminé pour l'espace des Seychelles, pour les Seychelles. Donc en fait, là, la propriété pour revenir par rapport à tout à l'heure, effectivement, on est sur une appropriation quand même du maritime, domaine maritime public à des fins commerciales privées. Et sans... Et alors, juste, la petite histoire, c'est que... en 2016, donc effectivement, en 2015, à l'époque de la COP21, donc TNC était déjà en train de négocier avec le Club de Paris, et donc les négociations ont fait qu'ils ont en fait repris la dette des Seychelles, mais en fait ils l'ont juste déplacée. C'est-à-dire qu'en fait maintenant c'est le gouvernement seychellois doit rembourser toujours cette dette, mais à la banque américaine. Donc ils ont été super forts. Alors ils ont un peu négocié parce qu'ils ont demandé au gouvernement des Seychelles de faire une aire marine protégée, la plus grande du monde à l'époque. Sauf que le gouvernement, évidemment, n'avait pas les moyens, donc en plus, ils ont fait cadeau de ces 300 000 km². Et qui ont permis, donc, notamment, un certain nombre de développements économiques, mais dont la rémission de coupons, qui a été d'ailleurs garantie par la Banque mondiale. Et je crois, mais ça, c'est à vérifier pour les juristes ou les financiers, que c'est l'État des Seychelles qui garantit cette obligation. Donc, si j'avais sa foi, eh ben, c'est les Seychellois qui devront encore. Pardon, je vous ai coupé la parole aux questions. C'est sûr, c'est Antoine. Oui, je sur une question, mais avant, j'ai juste faire une petite remarque sur la première intervention, parce que je ne crois pas que ce soit de financiarisation de la mer. La financiarisation de l'économie est une forme particulière et actuelle du capitalisme, et donc, je veux dire, c'est au-delà, ce n'est pas un problème de financiarisation, c'est un problème d'une dynamique économique qu'on appelle le capitalisme. Il n'y a pas non seulement de capitalisme vert, mais il n'y a pas d'espoir dans un système économique comme ça. Mais c'est pas ma question. Ma question, c'est que tu as dit que tu avais fait d'autres documentaires suite à celui-là, et la question tout bête, c'est comment est-ce qu'on peut avoir accès à ton activité de production, puisque suite à celui-là qui est très bien, on a envie de voir les autres. Ouais. Merci beaucoup. Le film, en fait, alors pour revenir sur le... Oui, je suis d'accord. Alors moi, je ne parle pas forcément du capitalisme. Moi, je parle surtout du libéralisme, c'est-à-dire le non-encadrement du capitalisme. Parce que là, on passe sur vraiment... Et l'absence, effectivement, de prise de parole des citoyens dans les grandes décisions environnementales. Oui, alors Océan 1, en fait, a déprimé beaucoup à sa sortie publique. Donc, c'est un petit peu à la demande du public que j'ai fait un deuxième film, c'était pas prévu, qui était sur les solutions qui avaient été mises en place justement par les communautés de pêche en France et à travers le monde. Je parlais tout à l'heure d'un système communautaire qui marche très bien, notamment c'est les plus dominés en Méditerranée. Je vous invite à regarder, ça marche depuis 5 siècles. Donc, c'est vraiment la gestion de l'espace commun par des communautés. C'est pas uniquement un espace bien commun, c'est vraiment une démarche politique qui marche très bien dans d'autres pays aussi, d'ailleurs, et en Bretagne aussi, puisque les mers marines, comme des îles, bref. Donc, ça, c'est en deux, c'est les solutions. Et puis, je parle un peu évidemment de ce qui se passe après, enfin, histoire de mettre un peu de piquant, je reviens un peu sur les Seychelles, parce qu'ils sont, ils sont quand même rigolos, quoi, à la COP21, donc faut pas se priver. L'année dernière, il y a un troisième film qui est sorti. Qui est cette fois-ci sur le développement des plateformes éoliennes offshore. C'était encore une fois les pêcheurs qui m'avaient alerté. Je n'étais pas trop convaincue au départ parce que je suis plutôt pour cette énergie. Mais en fait, en creusant, effectivement, j'ai retrouvé exactement le même mécanisme. L'appropriation, l'absence du contrôle des citoyens, le lobby économique. Des enjeux alimentaires, mais aussi des enjeux sociaux, environnementaux, assez importants. Et là, la différence des Seychelles, qui avait une dette, nous, il ne me semble pas qu'on ait de dette vis-à-vis de certaines multinationales qui s'approprient ces chantiers-là, et que le citoyen devra financer maintenant par ses fonds propres pour avoir, par exemple, de l'électricité. Bon, donc je vous invite à découvrir ces trois films. C'est une petite production, hein, c'est pas des films qui sont... Enfin, si le 2, j'ai réussi à trouver... Enfin, le 1 a été coproduit par TV ou par trois locales de Bretagne, le 2 aussi, mais le deuxième, après, j'ai perdu aussi le fonds du CNC, le soutien du CNC, et le troisième, j'ai perdu les chaînes, le CNC, enfin, ouais. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, encore une fois, on peut produire différemment, et ces trois films ont été faits grâce au public, le crowdfunding, enfin public YouTube. Donc, il y a des liens vidéo, il y a des DVD aussi, donc à l'achat, si vous voulez les partager, j'en ai quelques-uns, mais sinon, vous pouvez les contacter ou les commander sur Internet. Et sinon, vous pouvez tout simplement louer sur Vimeo pour quelques euros les films, c'est assez facile à trouver. Je peux peut-être y aller, ça ne me dérange pas. Donc, je suis le coordinateur de l'association Clémère. Ouais. D'ailleurs, avant pour ce film, que j'avais vu il y a quelques années maintenant, je suis content en fait de pouvoir être là et de pouvoir réagir un peu à ce film avec vous en direct, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes sur l'accaparement des océans et en particulier dans les pays du Sud. Après, je trouve qu'il y a aussi des choses qui sont importantes de préciser en fait pour moi quand on voit ce film. Donc moi, juste pour expliquer un peu la saut de pleine mer, c'est une assaut de pêcheurs et de mangeurs de poissons. Et en gros, on a pendant un an et demi au début, quand on crée pleine mer, c'était de faire le tour des bords, je vais dans ma voiture, on n'avait pas de moyens, et d'aller voir les pêcheurs, d'aller embarquer avec eux, etc., pour bosser sur les circuits courts en particulier. Et en fait, moi, quand je vois ça, la première chose qui me frappe quand même, c'est qu'on parle beaucoup des pêcheurs, et en fait, il n'y en a pas un seul. Du coup, il y a Robert quand même, mais Robert, ça fait 20 ans qu'il a moi, c'est quand même un gros sujet. Et une de mes questions, en fait, pour Mathilde, c'est, en fait, est-ce que là, par ce film et par ces discussions, on n'est pas en train de refaire ce qu'on critique, c'est parler de pêche sans pêcheur. Voilà. Après, moi, je les connais un peu, les pêcheurs, c'est très difficile d'aller interviewer des pêcheurs, de les filmer, qu'ils aient envie de parler, qu'ils ont envie de faire foutre. Donc, c'est pas évident, mais je pense que c'est quand même hyper important pour moi, quand je vois ce film, de faire cette remarque. Après, bon, il y aurait plein de choses à dire sur Alpesa, mais il sera là demain, donc on pourra discuter. Le seul truc en fait, qui m'embête profondément dans ce film, c'est que moi je connais bien Christian Adams, j'ai bossé 6 ans en Afrique du Sud, je connais bien Riza aussi, en bien et en mal, parce qu'aujourd'hui il bosse pour le gouvernement indonésien, et il applique en fait ces théories de la croissance bleue, et les pêcheurs se font massacrer sur le terrain. Je connais bien Mal, je connais bien Arnaud, j'aurais tous envoyé une petite photo de leur tête que j'ai prise dans mon film. Et en fait, je trouve qu'on parle de lutte dans des pays du Sud, avec donc un rapport de domination quand même de part coloniale. Et en fait, pour moi, la façon dont c'est tourné, on se réapproprie ces luttes-là pour dire en France, c'est pareil, les ONG c'est les méchants, les pêcheurs c'est les gentils, et en fait, c'est complètement faux. C'est-à-dire que la question des aires marines protégées en France n'a rien à voir avec la question des aires marines protégées en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les aires marines protégées, ça vient de l'apartheid. Donc les Noirs en fait n'avaient pas accès à ces zones-là et les Métis pendant la période de l'apartheid. Marche-marre à Diroise, ça n'a rien à voir. Et du coup, pour moi, c'est un film, hein. En une heure, je ne peux pas expliquer en détail tous ces trucs-là, mais pour moi, le gros problème que je dirais, c'est comment on fait pour être un tout petit peu plus complexe et pas se réapproprier en fait les luttes de l'Indonésie, de l'Afrique du Sud, de Christiana, au Kenya, etc. Parce qu'en fait, en France, c'est des problématiques très différentes. Et nous, à Plein-Mer, ce qu'on essaie de faire, c'est quand même de rapprocher les pêcheurs et les écolos. Pas n'importe quels écolos, on est une nation qui est plutôt anti-capitaliste, donc on ne va pas rapprocher Conservation Internationale ou TNC avec les pêcheurs, mais il y a quand même besoin dans la pêche et aussi dans la pêche artisanale de faire de l'écologie. Et moi, quand je vois un film comme ça ou quand je le montre à des pêcheurs, en fait, leur première réaction, c'est de dire les écolos, c'est dangereux. Et je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on a envie, en fait, parce que Robert, il est bien gentil, mais la façon dont il a pêché, ça n'a pas été que bon pour l'océan. Et c'est pas grave, et je pense qu'il en a conscience. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait, selon vous, quand on a vu ce film en fait, amener quelque chose d'un peu plus écolo et une réflexion qui va un peu au-delà de les ONG sont méchants, les pêcheurs sont gentils, dans la pêche artisanale française. Voilà. Et encore une fois, je conclue en disant que c'est un très bon film, il y a plein de choses hyper intéressantes, mais juste, voilà, ma question c'est est-ce qu'on essaye de rapprocher les écolos et les pêcheurs, ou est-ce qu'on dit finalement c'est deux mondes irréconciliables et qui n'ont rien à dire. Ah. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais merci, monsieur, sans problème. Effectivement, il y a peu de pêcheurs, il y a peu de mer, pour des questions tout à fait techniques, en fait, tout simplement, parce qu'effectivement, à l'époque, c'était compliqué pour moi d'aborder les pêcheurs, parce que les pêcheurs sont des gens méfiants. Bon, je rigole un peu avec la première scène, mais elle est vraie. Elle est vraie, il était, en fait, et pourtant, il connaissait, il savait très bien qu'on allait tourner ça. La preuve, c'est que j'étais filmée, donc évidemment. Mais c'est vrai que les propos, il a vu rouge, quoi. Et en fait, j'ai dû couper parce qu'il était en train de me traiter tous les noms avec le micro-cravate qui partait. Donc, non, parce qu'il a vraiment grillé, quoi. Parce que, effectivement, j'étais un peu con, quoi, dans mes questions, mais c'était un peu exprès, parce que c'était la preuve. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas de possibilité d'embarquement, par exemple, etc. Ce qui a complètement changé. Avec ce premier film, effectivement, les pêcheurs m'ont fait confiance en disant bon, c'est pas un journaliste trop con, on va peut-être pouvoir discuter. Après, il y avait la COP21 qui arrivait. Moi, j'ai commencé le film, c'est fait très rapidement. Hein. Et il y avait aussi, le film devait sortir là, pour les besoins de télé au mois de mars. Donc, en fait, j'ai commencé à tourner en décembre et il est sorti en mars. Ce qui est très court pour tourner et monter un film. Sans argent, enfin, sans beaucoup d'argent. Et donc voilà, donc, effectivement, le problème, on me l'a souvent reproché, il y a peu de marins, il y a peu de mer, etc. Et je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'était pas tellement mon propos. Mon propos, c'était de parler d'une approche politique. C'était pas de savoir si les pêcheurs étaient méchants ou gentils, et les ONG sont plus gentils. C'était, et pourquoi j'ai réutilisé effectivement des phrases en fait, qui sont effectivement d'Afrique du Sud, qui ne me concernent peut-être pas vraiment, mais en même temps, quand il dit la question, c'est pas les aires marines, mais qui les gère, comment elles sont gérées. Ça, c'est une question qui me concerne. Et ce n'était pas d'aller chercher leur combat particulièrement, qui n'est effectivement pas le nôtre, Mais par contre, ce qui est maintenant le même, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un combat politique. Et comment effectivement on s'organise, que ce soit droite, gauche, écolo, pêcheur ou ONG, puisqu'elles sont très présentes sur le territoire, pour effectivement organiser un discours politique véritable et pas des prises de position dominantes. Voilà. Il n'y a aucune raison que ce soit les écolos tout seuls qui décident ou les pêcheurs tout seuls. Moi, j'ai toujours été très clair. Les pêcheurs sont des citoyens, les écolos sont des citoyens. Et la problématique, c'est comment les effectivement organiser des assemblées, je dirais. Moi, j'ai été proposé plusieurs fois dans tous les organes politiques où je suis allée de véritablement mettre en place une assemblée maritime. Pas un pseudo-truc où il y a des luttes de pouvoir ou des luttes d'argent qui font qu'on se retrouve à perdre du temps. Bonjour. Merci, Nathalie, j'ai bien aimé le commentaire aussi. Et vous voulez, je ne sais pas, avoir des questions, c'est plutôt des commentaires. Enfin, au début, c'était rigolo enfin, de voir le pêcheur qui n'empêche pas trop. Ouais. Et les scientifiques, alors il y a les grands, hein, d'être poli, Libor, c'est vraiment les gens qui font les articles sur le poisson, qui sont repris, qui sont publiés dans Nature, qui sont repris par tous les journaux, etc. Il faut accorder quand même. Il y a ce rapport à la nature, on l'a évoqué un petit peu plusieurs fois aujourd'hui, mais la complexité de l'océan. C'est-à-dire, le thon rouge, c'est un exemple fabuleux. Moi, j'étais à 7 à l'époque où on était en train de parler, de l'inscrire à la CITES. Et là, c'était pas le multinational, hein. Là, c'était l'inverse d'ailleurs, sur la pêche au thon, c'était l'État français qui cachait les débarquements des Français pour protéger des bateaux dont les investissements étaient européens, effectivement, ils avaient acheté des scénars. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que l'océan, c'est complexe, quoi. Et de prétendre le gérer, c'est un péché d'humilité, un grand péché d'humilité, c'est infiniment. Et donc, et c'est souvent les pêcheurs qui ont effectivement la meilleure approche, puisqu'effectivement leur vie en dépend. Et encore une fois, je reprends un exemple du Sénégal, un exemple qui date de décembre. Je discutais avec un pêcheur artisanal, et il disait, alors ils sont toujours là, on les invite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire sans eux, donc on les met dans les réunions, ils sont toujours là, il y en a un, mais on n'a rien à foutre, encore une fois, c'est ce qu'il raconte. Et ce qu'il disait, je pense qu'il dit, en fait, tous ces projets, tout cet argent, suffit de moins pêcher pour en bas. C'est assez simple, en fait, la réponse. Et donc, la parole des pêcheurs, donc, ouais, je pense qu'elle est importante. Et l'humilité et ce rapport à la nature, c'était le point que vous voulez faire. Et le deuxième, peut-être qu'il y a des choses à apprendre sur cette nouvelle utilisation de l'océan, ce discours et ce One Ocean Summit. Il y a exactement la même chose qui s'est passée sur les réserves africaines. Il y a un bouquin de Guillaume Blanc qui était publié sur le colonialisme vert, on appelle ça. C'est-à-dire qu'en France, on fait des parcs nationaux, les gens continuent à vivre dedans. On fait un parc national en Afrique, on vire tout le monde. Et c'est le CNWWF, c'est l'UICN, c'est toutes ces instances-là. Donc il y a peut-être des choses à apprendre, parce que j'ai l'impression que ça bouge un peu dans ces réserves africaines. Et donc c'est antérieur, hein, ça a commencé avant, je pense, avant ce qui se passe dans les océans. Peut-être des choses à apprendre. Merci. Moi, je voulais vous remercier pour ce beau film et puis surtout d'avoir eu quand même un certain courage pour démasquer les grosses ONG. Ça ne va pas être si simple que ça. Pour ceux qui veulent des films où il n'y a que des pêcheurs et qui parlent de soucis de la pêche, je vous conseille des lois et des hommes sur l'histoire des pêcheurs irlandais. Donc, pour le coup, c'est l'État qui interdit la pêche aux saumons, aux pêcheurs, pour privilégier la pêche de loisirs, parce que là, il y a la location de canne à pêche, il y a le bed and breakfast, il y a le restaurant, il y a le matin, ça rapporte plus, et c'est le combat de ces pêcheurs, et qui finissent par gagner sur un motif qui est, et c'est peut-être pour la discussion de dimanche, sur comment on lutte demain, qui est bien décrit dans le film, c'est que de quoi on parle quand on parle de la pêche et de la agriculture. On parle des deux systèmes de production alimentaire humains qui existent depuis des millénaires. En fait, on n'est pas sortis de la préhistoire. Nous, les agriculteurs, on est des cueilleurs avant tout. Après, il y a des détails. Hein. Certains agriculteurs se barrent dans des dérives qui ne sont pas acceptables. Et le pêcheur, c'est un chasseur. D'ailleurs, il relève du registre du commerce parce qu'il ne produit rien. Donc c'est encore des systèmes complètement calqués sur la pêche et sur la chasse et la cueillette, et qui ont perduré pendant des siècles et des siècles. Et c'est ce que disent tous les représentants un petit peu des peuples autochtones. Je voudrais quand même juste signaler qu'au bout de 20 ans de combat, l'Assemblée générale des Nations Unies a donc proclamé, fait une déclaration des droits des paysans, des ouvriers de la terre, mais aussi des pêcheurs et des peuples autochtones. Donc il n'est pas une loi astreignante pour les États, mais c'est un outil dont nous aussi on peut se servir pour faire avancer nos droits à l'accès justement au commun, à l'eau, aux semences pour les paysans. Moi, ce que ça m'inspire depuis le début, c'est que là, ce qu'on est en train de voir sur la volonté de mainmise sur cette nouvelle économie qui représente quand même 4/5 de la planète, bah, c'est qu'on a passé le citron de la partie terrestre. Voilà. Et que la prochaine étape, c'est qu'il reste 4/5 du citron, c'est l'océan, et qu'après, toute la conquête spatiale consiste à trouver une autre planète. On est dans ce délire-là, on est dans cette situation d'avoir un poids. Et je vous invite quand même à regarder le fonctionnement des prud'homies en Méditerranée, ouais. Parce que c'est vraiment très très simple, et pour le coup c'est un système qui date du 15e siècle, et qui fonctionne à merveille justement sur la... Alors ils sont plus très, très nombreux maintenant, parce que les pêcheurs disparaissent, mais clairement c'est... Enfin voilà, si certains veulent des renseignements, qui contactent aussi en MP, par mail, on s'en fout de faire. Parce que je crois que vous êtes là dans une démarche politique, et pas de savoir si effectivement pour pêcher plus ou moins, et comment effectivement les citoyens s'organisent face à cette prédation qui se met en place. Alors que vous avez des moyens juridiques, on est issu d'une culture républicaine démocratique avec des assemblées, des lois qui obligent à demander aux citoyens leur accord. Pour revenir sur le parc, les parcs éoliens offshore, n'importe quel projet industriel environnemental, nous avons aujourd'hui dans notre constitution une convention qui s'appelle la convention d'Aarhus. La convention d'Aarhus, elle est très claire, elle dit pas, par exemple, tous les débats publics qui sont en train de se faire sur les développements offshore actuellement, il y a effectivement une information, mais les débats publics, normalement, si effectivement c'est pas une information, c'est une collaboration étroite avec les citoyens. C'est écrit dans notre constitution. Donc ces moyens juridiques, ils existent. C'est pareil. Et on n'a rien à inventer. La seule chose, c'est qu'il faut les rappeler aux hommes politiques qui eux-mêmes, parfois, les connaissent d'ailleurs même pas. Moi, j'ai discuté avec des personnes qui justement, animaient ces débats en public, c'est pas en gros. Ils ne sont pas au courant que dans le même pétrolier, on ne peut pas faire un normalement. Après, effectivement, c'est appliqué ou c'est pas appliqué, parce qu'il y a des gros enjeux, et tout ce là où je te donne de l'argent, et on s'arrange. Donc bon, ça c'est un autre problème, mais il y a une loi qui oblige toutes les fondations pétrolières à avoir un accord avec les populations locales, avoir des vraies études environnementales, et sinon le chèque ne peut pas être fait par la banque. Sur les plateformes offshore en France, sur le développement éolien, encore une fois, on ne prend pas d'accord, mais il n'y a jamais ça. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas d'accord de population. Donc la question qui se pose à moi, c'est pas de savoir si l'éolien est bien ou pas bien, c'est pourquoi il se met en place de cette façon, sans respect, des lois qui normalement régissent notre société. Voilà, la vraie question pour vous, aujourd'hui, c'est ça. C'est comment effectivement les mettre en place et les faire respecter. Moi je ne sais pas, moi j'essaie, vous verrez le troisième film si vous voulez. Effectivement, c'est des chers qu'on écoute mais qu'on dit merci à moi. C'est un vrai problème parce que ça se fait avec les chers, mais ça se fait avec tout le monde. Donc même si on n'est pas des chers, on est confronté à cette évolution de la société qui est un peu gênante pour moi. Un peu. Je vais juste profiter d'avoir le micro pour suggérer de poser des questions un peu concises, vu qu'on n'a pas tant de temps et je vois qu'il y a plein de gens qui ont envie de poser des questions. Et aussi, il y aura demain après-midi tout un temps consacré à la pêche en particulier. Donc pareil, si vous avez des remarques à ce sujet-là, ça sera aussi l'occasion du débat demain après-midi. Je vais essayer de poser une question, mais si c'est raté, c'est pas grave. Moi, dans une vision très, l'ébauche à gros traits du film, là, de ce qu'on est revenu, il y a un peu le côté, il y a une gouvernance des océans qui se fait avec des grosses organisations internationales, et contre ça, il y a les petits pêcheurs, et puis il y a la possibilité de la propriété par l'État des océans, pas des océans. Il y a une question qui est revenue sur la question des pêcheurs et qui vient à la question des sables. Moi, j'avais envie de revenir sur la question de l'État. À regarder le film, j'avais aussi l'impression que c'était les États qui décidaient de mettre à des fins, qui décidaient, qui étaient pris dans des mécanismes qui faisaient qu'ils en arrivaient à céder leurs océans à ces gouvernances mondiales. Et j'ai a priori quelques doutes, mais peut-être que je me trompe, sur le fait qu'une gouvernance de l'État des ressources est une garantie pour le maintien des ressources. En tout cas, dans les dynamiques actuelles politiques, ça nous intéresse. Je dis du mal à penser Macron, mais ça va. Et voilà, du coup, je voulais questionner cette question de la rapport à l'État. Je suis un peu d'accord avec vous, c'est pour ça qu'en même temps, il faut reprendre la définition. Je pense que l'État, c'est les citoyens. Donc, il ne faut pas dissocier. Et la question, c'est comment ne pas dissocier, effectivement, ces décisions qui vont. Dans lesquelles les gens ne sont pas. Concerté, d'accord. Ok, je continue. Merci à vous pour ce travail, ça fait plaisir de voir que vous avez passé du temps à nous offrir ça et puis à la défense de valeur en train de venir le défendre ce soir. Bravo, merci. La question que j'ai, moi, malheureusement, n'est pas pour vous, elle est pour la salle. On est tous d'accord qu'on n'est pas d'accord. Je pense que je ne suis pas tout seul à avoir autant les boules qu'à être en colère. Et on sait qu'il y a un rassemblement qui arrive, alors je profite du réseau qui est disponible ce soir pour poser la question ouverte. Est-ce qu'il y a des projets de militantisme qui sont développés en lien avec le rassemblement gouvernemental qu'on reçoit ici à l'Ouest? Si on a, ça peut être cool de les partager ici entre nous, ou alors de venir en parler plus tard. Mais j'espère que c'est le cas et encore une fois, merci pour votre travail. Ouais, je me dis que ça, on devient juste un point à la fin et se redonner les rendez-vous. Après, les gens ne sont peut-être pas là tout le temps. Non, à la fin de là maintenant. Sur les questions, que moi jusqu'à 20h. Oui, bonsoir. Comme tout le monde, je pense que je vais vous remercier pour le film. C'est vraiment beaucoup de travail et le sentiment de pouvoir regarder ça effectivement avec autant de gens et avec des gens différents. Je vais rejoindre un peu deux autres intervenants, dont le camarade ici devant, qui m'ont dit que c'est vrai que quand on sort du film, on aura tendance à proposer un petit peu de façon manichéenne les méchants ONG et les gentils pêcheurs. Donc, comme on l'a déjà dit à deux reprises aussi ce soir, c'est vrai que dans les problématiques qui se posent aujourd'hui, il y a des problématiques extrêmement complexes et très globales, et je ne sais pas si on peut vraiment encore. Faire confiance au fait qu'il existe encore un monde où les pêcheurs pourraient eux-mêmes réguler toutes les problématiques de la pêche tout seul pour eux, puisque les problèmes qui se posent de la pollution plastique, il y a effectivement de la surpêche au large, il y a des prises annexes massives, il y a des mauvaises gestions des espèces dites invasives. Et donc il y a beaucoup de problèmes qui se posent, qui sont difficiles à anticiper, je pense, à l'échelle d'un pêcheur local. Et quand on entend la phrase qui, moi, je trouve ça très touchante, et j'aimerais vous croire, des pêcheurs qui disent « Mais si on vous écoute et si on vous laisse faire, ça ira bien. » Je pense que c'est bonne foi, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est encore vraiment possible ou est-ce que les problèmes sont trop globalisés? Donc c'est une question que je me pose et surtout j'aimerais savoir si c'est une question que les pêcheurs que vous avez rencontrés se sont posés aussi. Est-ce qu'il y a eu cette notion un peu mondiale de, il y a des causes qu'on n'atteindra jamais, mais qu'elles sont trop éloignées? Peut-être un peu négatif, mais est-ce que c'est des constats qui ont été faits par les pêcheurs aussi? Ou est-ce qu'il y a des solutions qui sont posées même pour les villages? Je ne sais les enjeux encore plus globaux de la pollution plastique ou tout ça. Non, mais bien sûr, je crois que 99% de la population est convaincue. Il y a toujours des fous du volant, des chauffards, tout ce que vous voulez, qui pensent que le monde est pour eux. Ça, c'est sûr que tous les gens que j'ai vus sont tout à fait. Et je voudrais revenir sur un truc, je n'ai pas été très claire par rapport aux écolos et aux pêcheurs. Et c'est marrant parce que le film a 4 ans et à l'époque, on me posait beaucoup la question. Et là, personne ne l'a posé. C'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'écolos ou que je dis des gens de droite ou de gauche, parce qu'il n'y a pas blanc-noir, hein. Pas le gentil pêcheur et le méchant écolo, ni l'inverse. En fait, je crois que personne n'a noté, c'est vachement marrant, que en fait, ce qui est clair dans ces organisations non gouvernementales qui sont dans le film, c'est qu'à un moment, il est clairement dit, personne n'a voté pour eux, et pourtant, ils se disent représenter la société civile. Donc, il faudrait quand même bien se noter à la tête, parce que c'est une démarche américaine, enfin plutôt américaine, d'avoir des grosses ONG comme ça, ça ne les dérange pas. C'est gros, c'est comme des grosses sociétés. Et nous, en France, on a le principe de la loi 1901 et de l'association loi 1901, qui normalement, ou d'autres mécanismes, qui permettent en fait d'élire un président, d'élire, d'avoir un bilan de l'activité. Et c'est, encore une fois, c'est dans la transparence et dans le rôle citoyen véritablement de ces associations. C'est pas parce qu'elles sont grosses ou petites, à partir du moment où vous voyez pour moi, ça me choque, quand je vois des prises de pouvoir au nom de la société civile par des gens qui n'ont pas été élus par des membres, ça pose question. C'est pas une question d'être écolo ou pas écolo, c'est comme, du coup, ça devient, pour moi, ça peut que ce soit un lobby. C'est ce film, ce qu'elle prend, on me demandait, on me disait, mais qu'est-ce qu'on mange comme poisson? Je me demandais, c'est pas un film sur le poisson, c'est un film sur la politique, sur l'organisation politique. Si demain vous faites monter un mouvement et que personne ne sait qui a été élu, comment il est financé, etc., est-ce que vous serez crédible? Vous voyez? Après, bah, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est bon. C'est ma grille de lecture. Ce débat il a vu le jour depuis 2016 et heureusement oui, on n'a pas ce côté binaire pour sauver les poissons, peut-être des aires marines protégées, pour sauver le climat, peut-être encore d'autres types d'aires marines avec des éoliennes dedans. Si vous faites pas ça, vous avez un méchant main, on est sur un discours un peu plus franchement. Mais bon, je vous conseille, parce que je disais à mes enfants, je disais arrêtez de regarder les 4 premières pages de Google, quoi. Parce que c'est vrai qu'effectivement, quand la plupart sont monétisées, donc voilà, la bonne info, elle a mal. Et ça a changé en 2016. à l'époque, ce que je trouvais sur la page. Oui, alors juste encore un truc, justement, parce qu'effectivement, cette enquête, on a dit à un moment, c'est une enquête, un film d'investigation. C'est pas un film d'investigation, j'ai juste regardé sur mon clavier d'ordinateur. Je ne suis pas allée chercher dans les fonds secrets, ouais, des informations secrètes. C'est-à-dire que c'est quand même une information qui est donnée aux citoyens. Donc, la question qui se pose, c'est qu'effectivement, pourquoi, alors il faut un peu de temps, ça c'est mon boulot, il faut la croiser pour réussir à décoder le discours, vous voyez. Mais ce n'est pas une information cachée. C'est clair et net ce qui va se passer la semaine prochaine aussi, c'est clair et net. Personne ne le cache. Tout le monde veut faire du business. Et, la limite, pourquoi pas. Et surtout, ce ne sont pas les citoyens et l'encadrement. Enfin, bien sûr. Bon, j'ai terminé. Je voulais juste répondre à la personne précédente. En fait, là, on s'attaque à des gens auxquels on n'aura jamais accès. Peut-être qu'il y a des gens qui jouent au golf ici ou je sais pas quoi, mais a priori, c'est des gens, on les croise pas au marché, on les croise pas à la crèche, etc. Par contre, pourquoi on fait ça? En fait, on participe à un travail de SAP. En fait, la finance bleue, la finance verte, tout ça, c'est des trucs-là. Maintenant, pour à peu près tout le monde est convaincu que c'est du greenwashing, ça marche pas et tout ça. En fait, le but de la finance bleue, de la finance verte, c'est de faire oublier les excès de la finance. Il y a 10 ans, il y a eu une énorme crise financière. On connaît les responsables, on a dû éponger leurs dettes, etc. Et puis, soudain, est arrivée la finance verte, la finance est devenue responsable et elle est nécessaire à la transition écologique, patati patata quoi. L'idée de faire le soir comme ça, c'est de saper ce discours-là, quoi. Et je crois que c'est des choses qui marchent. En fait, aujourd'hui, si vous prenez la question des OGM, à la base, c'est pour nourrir l'Afrique. Bon, aujourd'hui, je pense que tout le monde est à peu près convaincu que les OGM, c'est une mauvaise chose. Il y a eu ce travail de SAP sur tout un tas de technologies. Maintenant, si vous parlez pas 5G, à peu près tout le monde est convaincu que c'est pas forcément une bonne chose, c'est pas forcément nécessaire. Donc, là, ce qu'on fait ce soir, c'est un travail de SAP, c'est sans doute pour beaucoup d'entre vous, c'est une banalité de dire que la finance verte, la finance bleue, c'est des conneries. Mais c'est bien de le répéter parce que effectivement, on a assez peu de prise sur ces gens-là. Mais peu à peu, ça gagne quand même l'opinion publique. Et je pense que la plupart des gens sont quand même convaincus que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. Et ça ne vise qu'à une chose, c'est détourner des excès des années précédentes de la finance. Quoi. Je termine là-dessus et je passe la parole à mes collègues pour l'annonce de l'emploi du temps à venir. Pour les rendez-vous qu'on connaît, de toute façon, il y en a plein d'autres. À part ce week-end, déjà, dimanche. Dimanche 6 février, c'est une journée de commémoration internationale pour commémorer les morts dans la mer liées aux trajets de migration. Et du coup, à Brest, il y a des mines qui organisent des trucs. Il y a un rendez-vous à 11h en haut d'un Siam avec des valises, des brassières et chants et litanies des morts aux frontières de l'Europe en 2020. Et il y a à 18h un film Tino Cotto au cinéma Les Studios de Jean Jaurès en présence d'une des réalisatrices. Dans l'ordre, sinon, je crois que. En fait, il y a des gens dans la salle qui vont préciser des trucs. Mais mercredi matin, jour de l'ouverture du One Ocean Summit, il y a. Rise of Ocean, 8h30, vers le Batia, mais le lieu est à. Déterminé encore. Mercredi matin, à 8h30, il y a un rassemblement qui est prévu baptême à côté du pont de Courant, sur la Cité-Salade. Ça devait se passer devant les ateliers du Cap-Tussin pour accueillir et faire l'ouverture, protester devant l'ouverture du One Ocean Summit, mais cet après-midi, la préfecture nous a dit que le système de sécurité ne permettait pas de faire l'ouverture. Donc, on va faire en mieux et se contre moi. Il y aura du coup l'organisation Horizon for Ocean, ça c'est aussi une station à l'Union Vraie. Je rajoute juste que mercredi après, il y a le carnaval de la mer organisé par Cabal à 14h, place de la Liberté à Brest. Carnaval de la mer contre le vote prochain. Et du coup, le coup, j'ai une manif aussi organisée par Femmer, Greenpeace, il y a les syndicats aussi, il y a FO, Solidaire, la CGT et d'autres assos, bah, celles de mercredi qui seront là aussi. Plus plein de petites assos locales qui nous ont rejoint, donc bah, j'espère que vous serez là dans la rue le 11. Ça sera sur le port, on reprécisera, il y a un événement Facebook, mais c'est à 8h30, je crois. Ouais, 8h30, c'est ça? Ouais. Et du coup, bah, j'espère que vous serez tous là à 8h30 vendredi, quoi, c'est le jour de clôture du sommet, en fait c'est le jour officiel du sommet. Et donc bah, essayer de créer un peu le rapport de force pour bah, faire un peu changer les choses. Quoi. Juste montrer que c'est le genre de sommet, on va le voir ici. Voilà, merci. Je peux redonner les infos s'il vous plaît. 8h30, vendredi, sur le port, je pense à côté de la règle, c'est de la loi. Comment voilà. Moi j'arrête pas. Les Shadok, pompaient, ils pompaient le matin, ils pompaient l'après-midi, ils pompaient le soir, et quand ils ne pompaient pas, ils rêvaient qu'ils pompaient. Ils pompaient dans la joie, ils pompaient dans l'allégresse, mais pour le moment, dans le vide.